نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله رحمةً للعالمين أرسله، تركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إنني أسأل الله الذي لا إله إلا هو الذي جمعنا في هذا المكان وفي هذا اليوم المبارك أن يجمعنا عنده في جنات ونهر، ونسأله الفردوس الأعلى من الجنة، ونسأله أن نكون من الفائزين يوم القيامة. عباد الله، تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا بنا نجدد الإيمان في قلوبنا، ونتذاكر فيما بيننا حول مسألة مهمة وحقيقة يكرهها ويشمئز بعض الناس منها، حقيقة كتبها الله عز وجل على بني آدم، حقيقة كتبها الله عز وجل على أنبياء الله ورسله، إنه الموت. أيها الناس، الموت حقيقة مرة ومصيبة عظيمة تنزل بالعباد، كيف لا وأن الله عز وجل يقبض أصلح العباد على وجه الأرض، رسله وأنبياءه والمؤمنون والصالحون، وعلى رأسهم خير البرية محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الموت، وما أدراك ما الموت، حقيقة تنزل بنا أجمعين. إن الموت أيها الناس يفرق بينك وبين أغلى الناس عندك، إن الموت يفرق بين الأب والابن، وبين الابن والأب، وبين الأم والبنت، والبنت والأم، يفرق بين الأخيار، ويفرق كذلك بين الأشرار. إنه الموت الذي قال الله عز وجل فيه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الموت أيها الناس مصيبة، وذكره يعالج قسوة القلوب، وذكر الموت أيها الناس يعالج الدنيا وما فيها، فإن السلف الصالح تجرعوه قبل أن يموتوا، وذكروا لنا مواقف قبل أن يموتوا. وقال عليه الصلاة والسلام في الموت: اذكروا هادم اللذات، أو أكثروا هادم اللذات. وهادم اللذات يعني الموت، إنه يهدم كل شيء. ولكن هل كنا مستعدين للموت أم لا؟ لأن ملك الموت يقرع الأبواب، يدخل الأبواب من غير قرعها. لأن ملك الموت يدخل على الملوك ويدخل على الأخيار والأشرار ولا يقبل الرشوة. فهل أنت مستعد أم لا؟ فإذا وجدت نفسك مستعدا فأبشر ببشارة من عند الله الرحمن، الذي يقول على لسان قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان. فإذا لم تكن مستعدا وتبحث عن الأسباب، فيقال لك: هل مات جارك فلان؟ تقول: نعم. هل مات أبوك؟ تقول: نعم. هل ماتت أمك؟ تقول: نعم. هل مات أولادك؟ تقول: نعم. فلماذا لم تعتبر؟ العبرة، وما أدرك بالعبرة بالغير أيها الناس. يقول الشاعر في مطلع هذه المنظومة التي نظمها أحد الشعراء: هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. تشاهد ذا عين اليقين حقيقة، عليه مضى طفل وكهل وأشيب. ولكن على الران القلوب كأننا بما قد علمناه يقينا تكذب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب. ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. ونسعى لجمع المال حلا ومأثما، وبالرغم يحويه البعيد وأقرب. نحاسب عنه داخلا ثم خارجا، وفيما صرفناه ومن أين يكسب. إنه جدير بمن الموت مصرعه، والتراب مضجعه، والدين والدود أنيسه، ومنكر ونكير جليسه، والقبر مقره، وبطن الأرض مستقره، والقيامة موعده، والجنة أو النار موعده. ألا يكون له فكر إلا في الموت، ولا ذكر إلا له، ولا استعداد إلا لأجله، ولا تدبير إلا فيه، ولا تطلع إلا إليه، ولا تأهرب إلا له. الباب موت، الموت باب، وكل الناس داخل، وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. أفريق في الجنة أم فريق في السعير؟ أم أنا من هؤلاء الذين يحزنون ويخسرون يوم القيامة؟ إن الموت أيها الناس لا يفرق بين الصغير والكبير، بين الشيخة والشيخة، والعجوز والعجوزة، والشاب والرضيع، بل حتى الجنين في بطن أمه. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كفى بالموت محزنا للقلوب، ومبكيا للعيون، ومفرقا للجماعات، وهادما للذات، وقاطعا للأمنيات. ذهب العمر وفات يا أسير الشهوات، ومضى وقتك في سهو ولهو وسبات. بينما أنت على غيك قيل مات، تكون في غيك وفي هروب من الموت وإقبال للدنيا، تغوص فيها حتى تغرق، حتى يقال عنك فلان مات وجاء أجله. فبما لقينا الله عز وجل؟ هل كنا من السعداء أم من الأشقياء؟ جرب نفسك وحاسبها أيها المؤمن وأيها العبد. لسانك ادخره ليوم القيامة، يدك ادخرها ليوم القيامة فلا تبطش بها، بصرك ادخره إلى يوم القيامة فلينظر ما يرضي رب العالمين، رجلك اذهب بها أين ترضي بها ربك، حتى تكون من الفائزين، حتى تكون من العابدين، حتى يشهد عليك يوم القيامة بأنك من المؤمنين الصالحين. فتفكر وتدبر وخمن أيها العبد، إن ملك الموت لا يقرع الأبواب، إن ملك الموت يأتي ولا يعلم به أحد إلا رب الأرباب. فاعلم أيها العبد أنك موجود هنا، أنك موجود هنا ووجدت قبل هذا، واعلم أن الموت، أن الموت ليس آخر شيء تلقاه، اعلم أن بعد الموت قبر، فنعيم أو جحيم يا عياذا بالله. اعلم أن بعد القبر أيها الناس كذلك، إنما هو عرض على الله عز وجل، لأن الموت كأس يتجرعه الناس ويتذوقه، إنما هو مذاق فقط حتى يخرج الإنسان من الدنيا ويقبل على الآخرة. إنه القيامة الصغرى، إن القبر هو القيامة الصغرى. فلينتبه المؤمن ويتفكر في هذا اليوم المشهود الذي يحاسب الله عز وجل فيه الناس، فيقول المجرم ما لهذا الكتاب لا يغادر، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. عباد الله، تذكر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، ويذهب الفرح بالدنيا، ويهون المصائب فيها. كم من قريب دفناه، وكم من حبيب ودعناه، ثم نفضنا التراب من أيدينا وعدنا إلى دنيانا لنغرق في ملذاتها يا عياذا بالله. عباد الله، إن بعد الموت نعيم القبر أو جحيمه. قال الدقاق: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء، قال بثلاثة أشياء، قال: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. وقال سعيد بن جبير: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. وقال الأوزاعي رحمة الله عليه: من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه. وقال ثابت البناني: ما أكثر أحد ذكر الموت إلا رؤيا ذلك في عمله. وقال ابن عجلان رحمة الله على الجميع: من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا بسعتها. وقال التيمي: ذكر الموت غنى، تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. وقال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله أن نكون من الفائزين ونسأل الله أن نكون من الذين يزحزحون عن النار ويدخلون الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ويا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبي الرحمة محمد وعلى آله وعلى صحابته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، chers serviteurs d'Allah, venez, on va croire un moment, comme il a dit à Sahaba رضي الله تعالى عنهم. Il se faisait des rappels. Et le rappel d'aujourd'hui, il est amer pour quelques personnes. Il est détestable pour quelques personnes. Le rappel d'aujourd'hui, il fait revivre les cœurs. Le rappel d'aujourd'hui, il va nous faire augmenter la foi grâce à Allah Azza wa Jal. Car c'est une vérité sur tout le monde. Cette vérité, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, elle va atteindre tout le monde, même les meilleurs de chez les hommes. Les prophètes et les messagers d'Allah Azza wa Jal ont goûté à ça. Les gens pieux et les croyants ont goûté à ça. Et tout le monde va goûter à cette vérité, chers serviteurs d'Allah. Soit cette personne elle est pieuse, elle est meilleure ou mauvaise. Dans tous les cas, tout le monde va goûter à la mort. Eh oui, chers serviteurs d'Allah, il est de notre devoir de se faire rappeler de ce moment, car le prophète alayhi salatu wassalam nous a laissé un testament et nous a rappelé par l'intermédiaire du Coran al-Karim et sa sunna authentique. Parlez souvent de ce qui va faire disparaître les passions et les plaisirs. C'est la mort. La mort, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a dit dans le sens de ce verset coranique: toute âme, sans exception, toute âme goûtera à la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. On demande à Allah Azza wa Jal qu'on sera parmi eux. Et la vie précédente, et la vie d'ici-bas, Allah Azza wa Jal a dit à ce propos, n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Et c'est ça la base de ce bas monde. La mort, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, elle va te séparer de tes proches. Elle va séparer le père de ses enfants et les enfants de leur père et de leur mère. Et de leurs proches, frères et sœurs, tantes et oncles, et aussi voisins et amis, et de tout le monde. La mort, elle va te séparer. Des gens bien comme des gens mauvaises. Qu'est-ce que je devrais faire, cher serviteur d'Allah? Je dois me rappeler de la mort. Car le jour où l'ange de la mort va venir, il ne va pas toquer à la porte. Il va rentrer sans que personne va lui demander de rentrer. Il ne va pas chercher quelqu'un pour lui demander à entrer. Il va rentrer, il va prendre ton âme dans un clin d'œil. Tu étais en train de te faire plaisir avec ta femme sur ton lit. tu jouais avec tes enfants et l'ange de la mort est venu et t'a séparé de tes proches. Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu avais une excuse? Si c'était le cas, sache très bien que tu seras parmi les gagnants. Et Allah Azza wa Jalla est satisfait de toi. Et Allah Azza wa Jalla a écrit ton nom dans les plus hauts du paradis. Et ça, c'est une promesse de la part de notre Seigneur Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Et sache très bien, le jour où tu vas voir l'ange de la mort, tu ne pourras pas trouver des excuses, car tu as vu tes proches disparaître de ce bas monde. Peut-être ton père est mort, ton fils est mort, tes enfants sont morts, et tu avais tout ça. Tu ne peux pas lui dire que j'avais pas de rappel. C'est le contraire. Allah Azza wa Jal t'a montré les causes. Et maintenant, les chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, on peut voir des gens mourir. Ils étaient avec nous. Ils étaient proches de nous. Avec une bonne santé. Mais on a eu la surprise d'avoir un coup de téléphone ou un SMS disant que telle personne est morte. Eh oui, chers serviteurs d'Allah, la mort, elle ne choisit pas un vieux ou une vieille. Elle ne choisit pas un jeune. Elle ne fait pas de différence entre un jeune ou même un enfant ou même un nourrisson ou même un fœtus. La mort, quand elle va venir, ça a été écrit par Allah Azza wa Jal dans les tablettes bien gardées. Donc, il ne va pas venir en avance ni en retard. Il va venir l'ange de la mort à l'heure où Allah Azza wa Jal a écrit que tu vas sortir de ce bas monde. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, c'est une vérité, elle est immense. Et c'est une vérité pour tout vivant qui devrait savoir, il viendra un jour, il va partir. Et c'est une vérité. Elle va venir dans un moment et dans un clin d'œil, une courte durée. T'étais là, après t'es parti. Mais comment tu es parti? En s'inclinant à Allah Azza wa Jal, en adorant Allah Azza wa Jal, en se prosternant à Allah Azza wa Jal, en jeûnant le mois du Ramadan, en faisant le pèlerinage, en unifiant Allah Azza wa Jal. Où tu as rencontré ton Seigneur avec un mauvais comportement avec Allah qui est l'association et d'autres. Et ça, c'est le plus grave. Où tu as rencontré Allah Azza wa Jal en parlant des gens. La calomnie, la médisance, le faux témoignage, le mensonge, les hurles, les pots de vin. Tu as rencontré Allah Azza wa Jal. Sache que tu es sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Mais Allah Azza wa Jal a promis à ces personnes un châtiment qui est très douloureux. Préparons-nous, faisons-nous un rappel en visitant les malades, en visitant aussi les cimetières, pour qu'on puisse avoir ce grand rappel. Il viendra un jour où je vais rentrer dans ce trou. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais parmi les personnes qui ont adoré Allah Azza wa Jal. Où j'étais parmi les personnes qui avaient un mauvais comportement, ils n'ont pas adoré Allah Azza wa Jal, ils ont oublié Allah Azza wa Jal. C'est un rappel pour moi et vous, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Car dans la tombe, tu seras tout seul, mais tu vas avoir aussi des voisins à côté, ils sont morts comme toi. Tu auras comme voisins aussi Ad-Doud, les vers, comme il a dit. Comme ils ont dit les ulama, tu vas voir comme personnes qui vont s'asseoir avec toi, Munkar et Nakir, ils vont te poser les fameuses questions. Mar rabbuka ma dinuka man nabiyuk, c'est qui ton Seigneur? C'est quoi ta religion? Et c'est qui ton prophète? Dans la tombe, tu seras tout seul, cher serviteur d'Allah. Tu as goûté à la mort seulement, mais c'est pas la fin. La mort, c'est pas la fin. Et la tombe, c'est pas la fin, cher serviteur d'Allah. Car toute personne qui a vécu, qui a eu la vie, il va mourir, mais après il va voir une vie éternelle. Cette vie éternelle, elle se trouve chez Allah Azza wa Jal. Où Allah Azza wa Jal a créé le paradis, comme il a créé l'enfer. Il a créé le paradis pour une vie éternelle, pour les croyants et les gens pieux. On demande à Allah Azza wa Jal qu'on sera parmi eux. Allah Azza wa Jal a créé l'enfer, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, pour les mécréants, pour les associateurs, pour les criminels. Et là, elle sera une demeure éternelle ou non éternelle. Donc, il y aura deux demeures. Il faut se préparer pour ces demeures, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et la préparation, elle se trouve dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, chers serviteurs d'Allah. Adorons Allah Azza wa Jal comme il nous a ordonné de le faire. Comme on peut trouver ça dans le Coran Karim et la Sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. La mort, chers serviteurs d'Allah, c'est une porte. Et tout le monde va ouvrir cette porte. Mais qu'est-ce qu'il va trouver derrière cette porte? La mort, c'est un rappel pour toute personne qui a une dureté dans son cœur. La mort, elle fait revivre les cœurs. La mort, chers serviteurs d'Allah, Azza wa Jal, elle va faire que ton cœur, il va se rappeler de l'au-delà pour oublier ce bas monde. Ce bas monde, il va disparaître comme tout le monde. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et puis Allah Azza wa Jal va te récompenser. La vraie demeure éternelle, le paradis d'Allah Azza wa Jal, où il va te punir la vie éternelle qui est l'enfer et le châtiment très douloureux qu'Allah nous préserve. Et on se plaint à Allah Azza wa Jal par la dureté de nos cœurs. La dureté de nos cœurs, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, elle va faire que tu n'auras pas de limite. Ça veut dire que tu vas être injuste avec Allah Azza wa Jal. La dureté du cœur, elle va faire que tu vas être injuste avec ta propre personne. Et le pire dans ça, tu vas être aussi injuste avec les êtres et les hommes. Et ça, c'est le plus dur. Pourquoi? Parce que entre toi et Allah Azza wa Jal, il se base sur le pardon. Mais entre toi et les êtres, il se base sur les conflits. Et le jour du jugement, par celui qui nous a créé, la maman, si on était injuste avec elle, elle va se réjouir. Elle va être contente parce que son enfant, il a désobéi dans ce bas monde. Parce qu'elle va prendre de ses hasanat. Si elle va, il n'a pas de hasanat, il va prendre de ses sayyi'at de sa maman. Et le jour du jugement, toute personne que tu as oppressée, toute personne que tu as été injuste avec lui, sache très bien que, wallah, par Allah Azza wa Jal, le rendez-vous, il sera chez Allah Azza wa Jal. Craignons ce jour, on sera en face d'Allah Azza wa Jal, tout nu, bien nu. Qu'est-ce que tu dis à Allah Azza wa Jal? Tu sais, tu as commis de la calomnie, si tu as fait de la médisance, si tu as fait des problèmes entre les gens, si tu as été injuste, tu as propagé le mal, tu as propagé les bid'ah, tu as propagé des nouveautés dans l'islam, tu as accusé en tort les gens. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah Azza wa Jal? La mort, c'est un rappel, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Chers serviteurs d'Allah, As-Salaf As-Salih, parmi eux, Ibn al-Daqqaq a dit, fais-toi rappeler de trois choses. Sois généreux avec toi, avec ta propre âme, et elle va être généreuse avec toi. Le fait de se repentir à Allah Azza wa Jal, avec cause ou sans cause. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Il se repentit à Allah Azza wa Jal tout moment, et tous les jours et tous les nuits. Alors là, nous, qu'est-ce qu'on dit, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal? Il faut se précipiter pour faire la tauba. Il faut se précipiter pour faire la tauba. Il faut se précipiter pour faire la tauba. Sinon, il sera trop tard pour toi. Et aussi, fais-toi rappeler de la mort. Parce que le jour où tu vas te rappeler de la mort, tu seras satisfait. Et ton cœur, il sera satisfait. Et tu vas avoir la motivation aussi pour adorer Allah Azza wa Jal. Mais celui qui a oublié la mort, c'est une personne qui est perdue. C'est une personne qui va dire plus tard je vais faire tauba. Plus tard je vais faire tauba. Alors qu'on sait, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, la mort quand elle va venir, la mort quand elle va venir, elle ne va pas faire le choix entre toi et lui. Si Allah Azza wa Jal t'a prescrit parmi les morts aujourd'hui, tu seras mort. Soit tu es une personne âgée, moins âgée, jeune, adolescent, enfant, aussi nourrissant, même un fœtus, Allah Azza wa Jal, le jour il va écrire, l'ange de la mort il va s'ordonner à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, et il va obéir à Allah Azza wa Jal. Parce qu'une personne qui ne va pas se rappeler de la mort, il ne sera jamais satisfait. Parce que la personne qui ne se fait pas rappeler de la mort, il sera fainéant. Il ne sera pas parmi les personnes qui adorent Allah Azza wa Jal. La mort, le fait de se rappeler de la mort, c'est une richesse. Oh toi, tu cherches la subsistance. La richesse, elle se trouve ici. Le fait de se rappeler de la mort. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous pardonne. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous excuse de tout ce qu'on fait à ce moment. نسأل الله المسؤول وحده أن يجعلنا من الفائزين يوم القيامة وأن لا يجعلنا من الخاسرين. اللهم أختم، اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الخواتيم، اللهم أخرجنا من هذه الدنيا بقولة لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا بقولة لا إله إلا الله عند الموت وبعد الموت يوم نلقاك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.